franceinter.com. Le sujet est aussi délicat que douloureux. C'est sans doute pourquoi M. X a tant tardé à l'évoquer, même si, il y a presque 10 ans, il avait brièvement abordé cette affaire et déjà esquissé un commencement d'explication qui allait à rebours de la thèse officielle. Je veux parler de l'attentat qui a frappé le vol UTA 772 au-dessus du désert de Ténéré, le 19 septembre 1989. Un drame qui a provoqué la mort de 170 personnes, passagers et membres d'équipage, et dont la responsabilité a été attribuée à la Libye du colonel Kadhafi. Une responsabilité que Tripoli a apparemment reconnue, puisque les Libyens ont dédommagé les familles des victimes après des années de tergiversations et de difficiles négociations. Et pourtant, une relecture minutieuse et objectif du dossier, incline à penser que le vrai commanditaire de l'attentat se trouvait peut-être ailleurs qu'en Libye. Ce qui d'ailleurs n'exonère pas totalement la responsabilité de Kadhafi. Il est en effet certain que des agents libyens ont joué un rôle dans la préparation de ce monstrueux attentat. Monsieur X revient donc longuement sur cette affaire, où il sera aussi question des otages français capturés au Liban, et des actions terroristes qui ont frappé Paris au cours de la décennie 80. Avant même de me pencher sur cet épineux dossier, une question me turlupinait. Si la Libye était coupable, comme de nombreuses personnes le pensaient, à commencer par le patron de l'enquête, le fameux juge Bruguière, Quel objectif avait-elle poursuivi en perpétrant cet attentat contre un avion civil français? Bref, quel était son mobile, quoi? Alors, je suis désolé de le dire, mais je ne voyais pas. Il y avait quand même son passé d'état voyou, pour reprendre une terminologie américaine. Et aussi le fait que Kadhafi a toujours flirté avec le terrorisme. Et il a même hébergé et protégé nombre de redoutables terroristes. Le mystérieux Abou Nidal, par exemple. Donc, vous avez raison. Cependant, même si le leader libyen nous a habitués à ces foucades, on ne commet pas un tel attentat sans avoir de solides raisons pour le faire. Mais il y avait un vieux contentieux entre la France et la Libye. À propos du Tchad en particulier, oui, vous êtes même allé très loin, puisque lorsque Valéry Giscard d'Estaing était président de la République, nos services secrets avaient élaboré un plan visant à liquider physiquement Kadhafi. Et seule l'élection de François Mitterrand avait empêché sa réalisation. Tout cela est vrai. Mais au moment où le DC-10 a explosé au-dessus du désert, la querelle franco-libyenne venait d'être vidée. Un accord parrainé par Alger avait été signé à la fin du mois d'août 89 et mettait fin à ce contentieux tchadien qui avait duré une bonne dizaine d'années. Oui, la Libye abandonnait donc toute prétention territoriale au nord du Tchad. Et excluait l'annexion de la bande d'Aouzou. Mieux, Kadhafi avait déclaré qu'il renonçait définitivement au terrorisme. D'accord, mais enfin, pouvait-on se fier aux promesses de Kadhafi? Bon, encore une fois, vous avez raison, mais le leader libyen avait commencé à mettre ses actes en concordance avec ses déclarations. Début septembre 1989, le bureau d'une organisation terroriste palestinienne, le FPLP, commandement général, avait été fermé à Tripoli. Ça, c'est l'organisation d'Ahmed Jibril. C'est ça. Ouais. Un syro-palestinien qui avait depuis longtemps rompu avec Arafat et avait perpétré de nombreux attentats, en particulier à l'aide de lettres piégées. Mais on en reparlera, car Jibril et ses militants ont été directement ou indirectement impliqués dans l'affaire. Alors, en tout cas, la fermeture de cette représentation du FPLP commandement général signifie par conséquent son expulsion de Libye. Évidemment. Jibril a dû faire sa valise et il est parti en Syrie, où il a installé sa base et ses camps d'entraînement. Donc, si je vous ai bien entendu, la Libye, ayant fait la paix avec la France, n'avait donc aucune raison de frapper un avion français. C'est ce que je pense. Et si, malgré tout, elle a fini par être mise en cause, c'est d'abord en raison de sa mauvaise réputation. Mais pour être tout à fait objectif, il faut aussi reconnaître que des Libyens ont été associés à la préparation de l'attentat. On va voir cela un peu plus tard. Toutefois, il faut observer que tout de suite après le drame, les premières analyses des spécialistes de nos services secrets n'ont pas ciblé la Libye, mais d'autres États ou organisations terroristes. Et c'est seulement quand le juge Brugger, qui a hérité du dossier, désignera la Libye qu'on ne parlera plus que de la piste libyenne. Exclusivement la Libye, à l'exception de tout autre commanditaire. Et quand vous dites ça, là, j'ai l'impression que vous soupçonnez le magistrat d'avoir fait preuve d'entêtement, ou peut-être même pire, d'aveuglement. Alors, non, je ne me permettrai pas, mais il est vrai que lorsque l'amiral, comme on l'appelle depuis sa malheureuse équipée libyenne, a une idée dans la tête, il est difficile de l'en faire sortir. C'est le propre des hommes de caractère, et je n'en dirai pas plus. Et pour commencer, je vous propose d'abord d'examiner les faits. Le vol UTA 772 relie régulièrement Brazzaville à Paris via N'Djamena, où il fait une escale qui permet à des passagers de débarquer, à d'autres d'embarquer pour Paris. Ce jour-là, le 19 septembre 1989, le DC-10 s'est donc envolé de la piste de Mayamaya un peu avant 9h du matin. Direction N'Djamena. Où l'avion se pose un peu après 11h. 7 passagers descendent, d'autres montent. Il y a là en particulier l'épouse de l'ambassadeur états-unien au Tchad. L'appareil reprend l'air une heure plus tard et prend la direction du nord. Il doit atterrir à Roissy-Charles de Gaulle un peu après 17h. Le commandant de bord indique à 12h34 qu'il sort de la zone de contrôle aérien de N'Djamena. Il doit ensuite se signaler une demi-heure plus tard lorsqu'il entrera dans la zone de Niamey. Oui, donc au-dessus du Niger. Hein. Mais l'appareil restera silencieux. 10 minutes plus tôt, à 12h59 très précisément, il a explosé. Une boule de feu qui a été repérée par le réseau de satellites américains. L'information est immédiatement communiquée au gouvernement français, puis à la compagnie UTA. Mais la nouvelle de la disparition du DC-10 ne sera officielle que dans la soirée. Et l'épave sera assez vite repérée, hein ? Oui, ou plutôt les morceaux de l'épave, car l'avion s'étant désintégré à plus de 11 000 mètres d'altitude, les débris de l'appareil ont été éparpillés dans le désert sur des dizaines de kilomètres carrés. Et bien entendu, il n'y a aucun survivant. Bah non, personne n'aurait pu en réchapper. Ouais. On pense tout de suite à un attentat ? Assez rapidement, car l'analyse des boîtes noires qui ont été récupérées dans le désert indique que le DC-10 effectuait un vol de croisière tout à fait normal et que l'équipage n'avait signalé aucun incident. Mais vous le savez sans doute, c'est l'expertise des débris de l'avion acheminé en France qui va prouver sans conteste possible qu'une bombe était placée à bord. Les enquêteurs vont en effet retrouver un morceau de valise qui porte des traces d'explosifs. Enfin, ça j'y reviendrai, car cette mystérieuse valise sera au centre d'une interminable polémique. Dès qu'on a la certitude qu'il s'agit bien d'un attentat, on commence à chercher qui pourrait être les coupables. Et pour commencer, comme dans n'importe quelle affaire de cette nature, on s'intéresse aux passagers de l'avion. En imaginant qu'on aurait pu essayer d'éliminer l'un d'entre eux. Quitte à sacrifier tous les innocents qui voyageaient avec lui, oui. Ça paraît complètement fou, mais il y a eu des précédents dans l'histoire de l'aéronautique. Alors on passe au peigne fin, la liste des passagers. Et ça donne quoi ? Franchement, pas grand-chose. Car il faut aussi faire le tri entre les véritables informations et les rumeurs. Ainsi, on évoquera la personnalité trouble d'un ancien truand un peu barbouzard qui se serait reconverti dans le commerce des armes. Or, le Tchad a de nombreuses armes à vendre, des équipements qu'il a récupérés sur l'armée libyenne. Et cet homme aurait pu venir au Tchad pour les acheter ? Mais en réalité, on apprendra que ce personnage est venu en Afrique pour vendre des produits pharmaceutiques. Ouais, c'est différent, ouais. On a également prétendu que des agents de nos services de renseignement étaient du voyage. Toutefois, la DGSE démentira par un communiqué de presse. Ouais, mais enfin, écoutez, si ça avait été vrai, n'aurait-elle pas démenti de la même façon ? Vous avez sans doute raison. Pourtant, je ne crois pas à cette hypothèse. Il y a aussi dans cette liste quelques personnalités politiques africaines. Mais là encore, le coût humain me semble exorbitant. Pour exécuter un homme politique, il y a quand même des procédés plus simples. Si vous le dites. Enfin, parmi les passagers se trouvait une proche collaboratrice de Jean-Charles Mortiani, l'homme qui a joué peu de temps auparavant un rôle dans la libération de nos otages au Liban et dans pas mal d'autres affaires. Et j'aurais à reparler de lui, mais la seule présence de cette collaboratrice dans le DC-10 ne pouvait justifier un acte aussi meurtrier. Il y avait aussi cette épouse d'un ambassadeur américain. Hein. Là encore, on ne tue pas des dizaines de personnes pour éliminer une femme d'ambassadeur, non. Non, ce minutieux examen de la liste des passagers n'a fourni aucune piste sérieuse. Pourtant, il y avait dans cette liste un nom intéressant, celui d'un citoyen zaïrois. Un homme qui n'était pas une cible, mais qui avait vraisemblablement participé à l'élaboration de l'attentat. On ne le découvrira que bien plus tard. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Ouais. J'imagine que, comme dans toute affaire de ce type, il y a eu aussi des revendications. Plusieurs, oui. La plus intéressante a été formulée au nom du djihad islamique. Mais cette organisation proche du Hezbollah libanais était divisée en plusieurs factions et sa signature pouvait recouvrir une multitude d'organisations. Ouais. Et à l'époque, alors pourquoi le djihad islamique s'en serait-il pris à la France ? Paris venait alors d'envoyer plusieurs bâtiments militaires au large des côtes libanaises. Mais rappelez-moi pour quelle raison là. En principe, il s'agissait de porter secours aux populations chrétiennes susceptibles de fuir le Liban. Mais Damas et Téhéran soupçonnaient Paris de vouloir venir en aide au général maronite, Aoun, qui résistait et refusait d'appliquer le plan de paix négocié à Taïf. Ouais, l'attentat pouvait donc être interprété comme un avertissement donné à la France. Hein. Pour la presser de se tenir à l'écart des affaires libanaises, ouais. Oui. Donc cette revendication du djihad islamique pouvait avoir un fondement. Et en cette fin 1989, le gouvernement français redoutait une action terroriste. Cependant, pour les experts, cette revendication n'était pas assez probante. Et surtout, elle ne contenait aucun élément d'information susceptible de lui donner corps. Un détail inédit, inconnu de la presse, par exemple. Alors, comment poursuivre l'enquête ? Il fallait d'une part faire parler ces débris récupérés dans le désert, et je pense en particulier à la valise qui avait contenu l'explosif. Et ensuite, il fallait enquêter à l'endroit même où cette valise avait été introduite dans la soute du DC-10, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville. Et il était urgent de découvrir qui avait pu faire charger ce bagage à bord. Rendez-vous avec X. Un mot sur le juge Bruguière, qui a longtemps dirigé la section antiterroriste du parquet de Paris et qui va donc être le magistrat instructeur dans l'affaire du décédiste du Théâtre. J'ai trouvé ces quelques lignes dans un livre du journaliste Jean-Marie Ponto, qui a souvent été le turiféraire du juge Bruguière. Bruguière prend l'habitude d'aller directement enquêter sur place. Il deviendra par la suite le juge voyageur du palais, effectuant plusieurs fois le tour du globe. Considérant qu'il représente la France et la loi, il exige d'être traité avec tous les égards dus à ses entités souveraines, une attitude qui va considérablement l'aider quand il s'agira pour lui de s'attaquer aux affaires de terrorisme international. C'est dans ces dossiers que le juge va prendre sa vraie dimension. Ce védétariat en irritera plus d'un, y compris parmi les policiers et ses collègues qui s'en agaceront, tout en reconnaissant sa compétence et son efficacité. Le livre de Ponto, L'attentat, a été publié en 1992. L'enquête s'oriente donc dans deux directions, à Paris et au Congo. Dans la capitale française, les experts en explosifs et les analystes des services secrets, DST et DGSE, qui pour une fois travaillent ensemble, font de précieuses observations. Le procédé utilisé pour faire exploser l'avion, une valise de marque Samsonite dont l'intérieur était tapissé de peintrite, est en effet caractéristique. C'est la signature d'un groupuscule palestinien dirigé par un certain Abou Ibrahim, leader de l'organisation du 15 mai, une branche dissidente du FPLP. Le Front populaire pour la libération de la Palestine. C'est ça. Abou Ibrahim, longtemps basé à Bagdad, a en principe dissous son groupuscule en 1986. Mais auparavant, ce spécialiste en explosifs a fabriqué plusieurs valises du même type que celle qui a servi dans l'attentat du décédiste. Des bagages piégés que les services de renseignement connaissent très très bien. Et pourquoi ? Parce qu'un membre de cette organisation du 15 mai, qui devait commettre un attentat dans un hôtel de Genève, avait renoncé au dernier moment et s'était constitué prisonnier à l'ambassade des États-Unis. Avec sa valise ? Oui, ça avait permis aux spécialistes de disséquer cette machine infernale et d'identifier l'explosif de la peintrite. Comme dans la valise du décédiste. Et que sont devenus les autres engins de mort là ? C'est là que ça devient intéressant. Ces valises, au nombre d'une dizaine, ont été confiées ou vendues à des organisations terroristes du Moyen-Orient, et principalement à ce FPLP, commandement général, dont je vous ai parlé précédemment. L'organisation là, de cet Ahmed Djibril. Exactement. Un groupe terroriste déjà fortement soupçonné d'avoir perpétré l'attentat contre le Boeing de Lockerbie. Avec une de ces valises ? Non, dont l'explosif utilisé était de nature différente. Il n'empêche que les services secrets, qui savaient qu'Ahmed Djibril était en possession de quelques-unes des valises d'Abou Ibrahim, ont immédiatement ciblé le FPLP, commandement général. Un mot peut-être alors sur cette faction du FPLP là. Djibril, je vous l'ai dit, avait rompu avec Arafat et l'OLP. Oui, il s'était établi en Libye. Jusqu'en 1989, date à laquelle Kadhafi l'a donc chassé afin d'amorcer une réconciliation avec le monde occidental. Essayer d'échapper aux sanctions internationales qui frappaient son pays. Mais avant même cette rupture, Djibril avait entrepris de se rapprocher de Téhéran via le Hezbollah libanais et également de Damas. Et ça lui était d'autant plus facile que c'était un ancien officier syrien. Voilà pourquoi, dès que les services secrets français ont été en possession de toutes ces informations, ils ont aussitôt pensé que les commanditaires de l'attentat contre le décédiste se trouvaient en Iran ou en Syrie. Ça semble en effet assez logique. Et nous verrons plus tard que ces deux pays, à la différence de la Libye, ne manquaient pas de mobiles. Enfin, un peu de patience. En tout cas, en cet automne 1989, les directions des services secrets font savoir au gouvernement Rocard que tout porte à croire que le coup vient du Moyen-Orient et qu'il est en relation directe avec la politique de la France au Liban. Oui, mais il s'agit là d'une analyse théorique. Les services ne disposent pas de preuves. C'est exact. Cependant, il y a quand même cette probabilité de l'implication de l'organisation d'Ahmed Djibril. Et grâce au mode opératoire. Et à l'utilisation de ses valises piégées. C'est pourquoi on attend beaucoup de l'enquête qui est menée parallèlement au Congo-Brazzaville. Mais par qui alors ? Le juge d'instruction, Jean-Louis Bruguère, a chargé la 6e division de police judiciaire de mener les investigations. Mais il est évident que ni la DST ni la DGSE n'entendent être laissés de côté. Surtout la DGSE, naturellement, puisqu'il s'agit là d'enquêter à l'étranger. Et au Congo, malgré le régime marxiste, notre service de renseignement est traditionnellement bien implanté et compte plusieurs agents sur place. Mais il faut compter avec les services secrets du pays. Et éventuellement demander leur coopération. Bien entendu. Alors, avant de voir ça de plus près, un mot sur la situation au Congo-Brazza. C'est alors Sassou Nguesso qui est au pouvoir. Et officiellement, en tout cas, il se réclame toujours du marxisme. Mais il ne tendra pas à changer de cap, quoi qu'il en soit. Il faut tout de suite observer que le Congo est alors le foyer de la contestation africaine. Il abrite de nombreux représentants des mouvements révolutionnaires qui s'opposent aux régimes autoritaires mis en place dans leurs pays respectifs, le Tchad, la Centrafrique ou l'autre Congo, le Zaïre de Mobutu. Des mouvements généralement anti-occidentaux. Hein. Et anti-français, car les gouvernements de ces pays de la France-Afrique étaient étroitement liés à Paris. Il ne faut donc pas s'étonner de constater qu'au milieu de ce bouillon de culture révolutionnaire, la Libye joue un grand rôle. On a même pu dire que le Congo-Brazza était alors devenu une sorte de base arrière pour les Libyens, qui finançaient et équipaient tous ces contestataires. Avec l'accord de Denis Sassou Nguesso. Hein. Tout à fait. Mmh. Mais on va le voir, le président congolais commençait à trouver que ces Libyens étaient bien encombrants. Et il envisageait de prendre peu à peu ses distances. Il était d'ailleurs vivement encouragé en sous-main par les Américains, qui n'appréciaient pas l'influence grandissante de la Libye. La Libye, obsession de la Maison-Blanche depuis de longues années. Parce qu'on la soupçonnait, non sans raison, d'être à l'origine de pas mal de mauvais coups. Oui. Et pas seulement sur le continent africain. Ça avait valu à Kadhafi d'être directement visé en 1986 par un raid aérien américain sur Tripoli. Mais enfin, vous savez tout cela, nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Ouais. Mais si je vous ai bien compris, là, en cette année 1989, les Libyens étaient encore comme chez eux au Congo, Brazzaville. Et leurs services secrets coopéraient étroitement avec leurs homologues congolais. L'artisan de cette coopération était Emmanuel Gwenlondele, dit le vieux, le patron de la sécurité d'État. Un service qui, curieusement, s'appelait comme le nôtre, la DGSE, et qui, outre cette homonymie, entretenait des rapports plutôt cordiaux avec son homologue français. Malgré sa proximité avec la Libye. Les liens avec l'ancien colonisateur n'avaient pas toujours été rompus. Ah oui, il restait des connivences. Absolument. Enfin, je poursuis. Je vous l'ai dit, Sassou Nguesso était de plus en plus tenté de s'affranchir de la pesante présence libyenne dans son pays. Et pour cela, il comptait sur un autre service, la sécurité militaire, dirigée par un jeune homme ambitieux. Patrice Ndélé. Et aussi intéressant que puisse être votre développement, mais est-ce que vous ne vous éloignez pas un peu trop de notre sujet principal, l'attentat du DC-10? Non, je ne crois pas. La suite va vous le prouver. Soit, alors. Ndélé se pose en rival du vieux. Exactement. Et il est chargé de surveiller tous ces contestataires africains pro-libyens qui pullulent au Congo-Brazzaville. Et même d'infiltrer quelques-unes de leurs organisations. Ça n'est pas tout à fait innocent. Il est probable que Patrice Ndélé entretenait alors de bons rapports avec les services américains. On a même prétendu qu'il était un agent de la CIA, ou au moins un honorable correspondant. Ah, vrai? Pas impossible, en tout cas. Et ça expliquerait bien des choses. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite. Il me semble même que vous prenez votre temps, là. Je vous en prie. Alors, je reprends. Ndélé, dans son travail de pénétration des mouvements révolutionnaires africains, s'intéresse en particulier à une organisation d'opposants zaïrois, la CDRZ, c'est-à-dire la Communauté démocratique révolutionnaire zaïroise. Et il l'infiltre tant et si bien que cette CDRZ lui permet bientôt de se tenir informé de toutes les menées libyennes au Congo-Brazzaville. Or, et là, je vous donne satisfaction, car je reviens directement à l'attentat. Il se trouve que l'un des militants de ce groupuscule zaïrois paraît étroitement impliqué dans l'affaire. C'est même peut-être cet homme qui a permis que la valise piégée soit placée à bord de l'appareil. Thank you. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Petit retour en arrière. Pierre Péan, auteur d'un livre auquel je me référerai souvent, Manipulations africaines, enquête et remarque alors un article très intéressant paru dans la revue Défense Armement Héraclès en novembre 89. Il cite et commente. Pour l'auteur, bien renseigné, les attentats contre le Boeing 747 américain de la Paname au-dessus de l'Écosse, puis contre le DC-10 français du TA, inaugurent un nouveau type de message dont on laisse au pays visé le soin du décryptage. Si des zones d'ombre subsistent encore dans cette affaire, elles mettent en tout cas en lumière l'une des formes les plus redoutables du terrorisme, sa capacité à prendre au piège, à contourner, voire à paralyser une action de grande envergure menée au Liban par une grande puissance, la France en l'occurrence, et qui, pour faire bonne mesure, avait accompagné sa démarche d'une gesticulation militaire pour gérer la crise, en déclarant que la destruction du DC-10 d'UTA est probablement due aux ennemis que la France s'est créés au Liban, parce qu'elle entend y jouer une politique de paix. Le Premier ministre Michel Rocard n'a fait qu'indiquer la piste la plus vraisemblable, celle qui mène au Moyen-Orient. Le livre de Péan a été publié par Fayard en 1992. Ce Zaïrois là, qui a introduit la valise dans le DC-10, alors qui est-il ? Il s'appelle, ou plutôt, il s'appelait, car nul ne l'a revu vivant, Apollinaire Mangatani. Et son nom figure sur la liste des passagers du vol UTA 772 qui ont embarqué à Brazzaville. La valise piégée aurait donc pu être enregistrée comme son propre bagage. C'est très probable. Et alors, savait-il que cette valise était piégée ? Ah ben ça, c'est autre chose. Et sur ce point très particulier, ben, il n'existe que trois hypothèses. La première, la plus évidente, c'est que Mangatani ignorait tout et qu'on s'était servi de lui. La valise était en effet si subtilement fabriquée qu'on pouvait tout à fait ignorer qu'elle était tapissée de peintrite. Deuxième hypothèse, l'attentat suicide. Mais la méthode n'était pas encore utilisée par les terroristes. Et la troisième hypothèse alors ? Mangatani est monté dans l'avion à Brazzaville, mais il est descendu à N'Djamena en laissant sa valise à bord. Ouais, parce qu'il savait que la bombe devait exploser au cours du vol vers Paris. Ça. Après l'escale tchadienne, oui. Alors, dans ces conditions, Mangatani serait peut-être encore vivant ? Il y a un certain nombre de gens très sérieux qui le pensent. Des témoins ont même prétendu l'avoir vu quitter l'appareil à l'escale de N'Djamena. Mais que serait-il devenu ? Il aurait pu regagner son pays et disparaître dans la nature sous un autre nom, à moins qu'il n'ait été ensuite liquidé par les commanditaires de l'attentat. Afin qu'il ne soit pas tenté de parler ? Ça ne me semble pas stupide. Mais poursuivons. Naturellement, dès l'annonce de l'attentat, les deux officines congolaises concurrentes se mettent au travail. Et exactement comme les services français, elles s'intéressent en priorité à la liste des passagers. Et si je puis dire, le nom de Mangatani, là, leur saute aux yeux. Évidemment. Et c'est en particulier le cas de Patrice Ondélé, qui connaît bien le personnage. Oui, puisqu'il a même noyauté son organisation, là, cette CDRZ. Et il en tire immédiatement une première conclusion. Puisque cette organisation zaïroise est pro-libyenne, le coup vient très certainement de la Libye. Et il demande aussitôt à ses agents de la sécurité militaire d'enquêter sur tous les agissements libyens au Congo-Brazzaville. Il doit déjà en savoir beaucoup, puisque, si je vous ai bien compris, c'est déjà la mission que lui avait confiée Denis Sassou Nguesso. C'est exact. Ouais. Mais là, il s'agit pour lui de rassembler tous les éléments à charge contre la Libye. Et donc son implication dans la préparation de l'attentat. C'est ce que je voulais dire. Et avouez que pour un homme qui est résolument anti-libyen et qui est peut-être même un agent américain, l'occasion est trop belle. Certes, mais ça pose aussi une autre question. Si le patron de la sécurité militaire a infiltré cette CDRZ, la d'obédience libyenne, n'aurait-il pas dû être informé de la préparation de l'attentat ? On peut en effet s'interroger. Même si Mangatani, qui était un militant politique aguerri, ne devait pas confier tous ses secrets au chef de la sécurité militaire. Alors, allons quand même plus loin. Mis au courant, là, Ondélé n'aurait-il pas été tenté de laisser faire pour incriminer la Libye ? Une passivité qui aurait entraîné une complicité de fait ? Malheureusement, je ne sais pas. Mais il est vrai que vous posez là une question troublante, surtout quand on observe que Patrice Ondélé va mettre tout en œuvre pour accuser les Libyens. Une parenthèse là, avant de continuer. Là. Depuis un moment, nous parlons de l'influence libyenne au Congo-Brazzaville. Mais concrètement, comment se manifestait-elle? Il y a d'abord le chef des services secrets libyens au Congo, un certain Astiwi. Mais le personnage le plus important est Abdallah El-Azag, premier conseiller à l'ambassade de Libye. C'est un homme très proche du patron des services spéciaux, le colonel Senoussi, beau-frère de Kadhafi. Or, cet apparatchik du régime libyen va se trouver au cœur de l'accusation qui va être portée contre son pays. Enfin, je vous explique brièvement. D'abord, El-Azrag a été vu à l'aéroport de Brazzaville, Mayamaya, la veille de l'attentat et même dans la nuit du 18 au 19 septembre. Mais que venait-il y faire? Le matin, il venait y accompagner le contrôleur financier de l'ambassade qui prenait l'avion pour Zurich. Et dans la nuit qui suit, il guide deux fonctionnaires libyens qui s'envolent vers Addis Abeba. Il y rencontre même trois diplomates iraniens qui quittent eux aussi la capitale congolaise. Une rencontre qui n'a pas échappé à un fonctionnaire de la sécurité militaire qui se trouvait sur place. Attendez là, les fonctions de ce El-Azrag, exigeait-elle ses déplacements à l'aéroport? L'embarquement dans un modeste aéroport africain est parfois compliqué. Et la possession d'un passeport diplomatique arrange souvent bien les choses. Et le bakchich aussi. Ouais. Mais d'accord. Bon, on en conclura quand même que sa présence à Mayamaya, là, si peu de temps avant l'attentat, était louche. Forcément. Autre élément à charge. El-Azrag ne tardera pas lui-même à quitter Brazzaville. Un départ prévu de longue date, mais qui sera bien sûr interprété comme une fuite précipitée. Pour échapper à d'éventuelles questions. Bien entendu. Enfin, il est certain que le Libyen connaissait très bien Mangatani et qu'il lui donnait régulièrement de l'argent. Pour lui ou pour son organisation? Sans doute les deux, car on ne connaissait pas Mangatani d'occupation lucrative. En tout cas, c'est pour toutes ces raisons que El-Azrag va être impliqué dans le dossier de l'accusation contre son pays. On en fera même le principal acteur de l'affaire. Alors, après cette parenthèse, revenons à l'enquête qui est menée au Congo-Brazzaville par le patron de la sécurité militaire, Ndélé. Ouais. Et l'autre service, là, la DGSE congolaise? Le vieux, comme on l'appelle, il n'a jamais cru à la piste libyenne. Ouais, mais lui, il était lié aux Libyens, alors on peut douter de sa bonne foi. Je vous l'accorde. Ndélé et ses agents interrogent les proches de Mangatani. Et l'un d'eux surtout retient leur attention, un nommé Bernard Yanga, un Congolais qui a été introduit à la CDRZ par Mangatani en personne et qui, par ailleurs, émarche comme les autres militants de l'organisation à la sécurité militaire. On n'a donc eu aucun mal à le retrouver, celui-là. Très vite, il va beaucoup parler. Mais il faut dire que les conditions de ces multiples interrogatoires sont un peu particulières. C'est-à-dire? Eh bien, les hommes de la sécurité militaire sont allés l'appréhender et ils l'ont ensuite gardé au chaud. Ouais, pour le tenir à leur disposition. C'est ça. Ouais. Et pendant plusieurs semaines, ce Yanga a ainsi disparu de la circulation. Il n'a recouvré la liberté qu'après avoir signé une déposition parfaitement satisfaisante pour Ndélé. Pourquoi? Parce qu'elle accréditait la thèse de l'implication de la Libye? Et celle de son représentant à Brazzaville, Louis Abdallah El-Azrag. Alors, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, ça serait fastidieux, mais voici à peu près le témoignage de Bernard Yanga. Fin août, deux Libyens sont arrivés au Congo. Ces mêmes deux hommes que El-Azrag a accompagnés à l'aéroport la nuit précédant l'attentat. Ils ont remis à Mangatani la valise piégée qui avait voyagé depuis Tripoli par la voie diplomatique. Et ils ont réglé le minuteur commandant l'explosion. Mais comment ce Yanga a-t-il pu être au courant de tous ces détails? Il a affirmé avoir bénéficié des confidences de son ami Mangatani et avoir même été personnellement présent au moment de l'embarquement, le matin du 19 septembre. Et son témoignage, là, vous paraît-il sincère ou a-t-il subi des pressions, peut-être même pire? Je peux simplement vous dire que cette déposition correspondait en tout point à ce que la sécurité militaire voulait entendre. Après, vous pouvez en conclure ce que vous voulez, mais c'est la suite qui est intéressante. La déposition écrite de Yanga et le rapport établi par la sécurité militaire congolaise sont transmis à Paris au début de l'été 1990, où nos services de renseignement et la police judiciaire en prennent connaissance. Réaction? La prudence, et même le doute. Ah oui, ça leur paraît trop beau? Et surtout pas très fiable. Mais le juge Bruguière, qui jusque-là privilégiait la piste du Moyen-Orient, prend feu et flamme. Il débarque à Brazzaville, remue ciel et terre, et exige que les policiers français à qui il a délivré une commission rogatoire interrogent eux-mêmes Yanga. On lui accorde cette autorisation? Sassoon Guesso cède, en effet. Et bien sûr, Yanga récite sa leçon devant les policiers français. Mais cette leçon qu'il a déjà servie aux agents de la sécurité militaire. Bien sûr. Ça, ouais. Et quand il reçoit communication du procès-verbal, le juge Bruguière est ravi. Pour lui, désormais, il n'y a plus qu'une seule piste, celle de l'alibi. Et peu lui importe que nos services secrets continuent à émettre des doutes. Le témoignage de Yanga est capital. Et ce sera la principale pièce à charge contre l'alibi. Car lorsqu'un peu plus tard, on découvrira une deuxième preuve mettant en cause Kadhafi, on s'apercevra qu'elle a fait l'objet d'une manipulation. Enfin, pardonnez-moi, il est peut-être temps aujourd'hui de nous quitter. Avant d'entendre la semaine prochaine la suite du récit de M. X et son décryptage de l'enquête menée à charge contre la Libye, je vous propose quelques lignes extraites d'un livre de Claude Zilberzan, patron de la DGSE française en 1989. Je cite « Pour les services spécialisés français, une question demeure. Quel aurait été à cette époque-là l'intérêt de la Libye à se livrer à un tel acte ? Si l'on veut bien cependant se poser la question cruciale à qui profite le crime, force est de constater que ce n'est pas à la Libye, sévèrement sanctionnée par la communauté internationale. Il n'existait pas à la fin du premier trimestre 1993 de preuves indiscutables que la Libye avait commandité l'opération. Et si l'on veut diaboliser Tripoli comme protecteur du terrorisme, pourquoi oublier Téhéran et Damas. Sans exclure la Libye, la DGSE n'a donc pas manqué d'étudier plusieurs autres pistes mettant en cause d'autres États, eux aussi parfaitement capables de manier l'explosif et la terreur aveugle pour faire aboutir leurs revendications, et susceptibles d'ailleurs de s'être servi des Libyens pour exécuter partiellement ou totalement leur forfait, ce qui pourrait expliquer la visibilité libyenne de l'opération. Le leurre libyen aurait eu alors pour but d'occulter le véritable commanditaire de l'attentat. Autant dire que cette analyse du patron de notre service de renseignement a provoqué en son temps la colère du juge Bruguière. L'ouvrage de Zilberzan, Au cœur du secret, 1500 jours aux commandes de la DGSE, a été publié par Fayard. À samedi prochain sur franceinter.com, vous le savez bien, vous pourrez réécouter cette émission. Et je remercie Valérie Ayestera et Michel Billoux, Rebecca de Nantes, Monsieur Joub, qui m'ont aidé à confectionner ce programme. Tout de suite après le flash, c'est au Dieu mon amour de Denis Chessou.